Bah, qu'importe. Un homme pendu, et puis après. Une ficelle que nous allons rouler, une charpente que nous allons déclouer, un cadavre que nous allons enterrer. Voilà grand-chose. Nous tirerons le canon, un peu de fumée en Orient, et tout sera dit. Guernesey, Tappner, il faut un microscope pour voir cela. Messieurs, cette ficelle, cette poutre, ce cadavre, ce méchant gibier imperceptible, cette misère, c'est l'immensité. C'est la question sociale, plus haute que la question politique. C'est plus encore, c'est ce qui n'est plus la terre. Ce qui est peu de chose, c'est votre canon, c'est votre politique, c'est votre fumée. L'assassin qui, du matin au soir, devient l'assassiné. Voilà ce qui est effrayant. Une âme qui s'envole, tenant le bout de corde du gibet. Voilà ce qui est, entre deux dîners, formidable. Homme d'État, entre deux protocoles, entre deux sourires, vous pressez nonchalamment de votre pouce ganté de blanc le ressort de la potence, et la trappe tombe sous les pieds du pendu. Cette trappe, savez-vous ce que c'est? C'est l'infini qui apparaît, c'est l'insondable et l'inconnu, c'est la grande ombre qui s'ouvre brusque et terrible sous votre petitesse.